Destinée par Maurice Level. Quand il eut achevé ses 7 ans de service, Utsibera revint au village de Béobi, content, libre et sans un liard en poche. D'abord, il avait espéré trouver à s'employer, mais les moissons étaient finies, les foires rentrées, le blé entassé dans les granges. Les troupeaux, descendus de la montagne, somnolaient dans les étables obscures, et n'ayant pas de métier, pas de famille, il se demandait de quoi serait fait le long hiver qui approchait. Alors, voulant tenter la chance une dernière fois, il s'en fut trouver monsieur le curé pour demander conseil. « Ma foi, s'écria le vieil homme en le voyant entrer au presbytère, tu ne pouvais pas mieux tomber. Notre bedeau vient de mourir. C'était un brave et digne homme. Toi, tu es à ce que je sais un bon garçon. Tu es solide, bien noté au régiment, pas buveur. « Tout à fait ce qu'il faut pour la place, et si elle te convient, je te l'offre. Certes, tu n'y feras pas fortune, mais quoi? A-t-on besoin de tant d'argent pour être heureux dans nos montagnes? Dis oui, et c'est chose faite. »« C'est que, » murmura Utsibera, « je n'ai pas beaucoup de manières ni d'instruction. »« Tu sais lire et écrire ?» Utsibera tourna son béret entre ses doigts. « Lire ? L'imprimer, je connais encore mes lettres. » Mais pour ce qui est d'écrire, j'aime autant dire que je ne sais pas. Sûr, je ne demande pas mieux que d'apprendre. Hélas, mon ami, déplora le curé, je vois que tu as bonne volonté, mais il me faut quelqu'un tout de suite, et d'ici que tu saches, des mois passeront. Alors, monsieur le curé, je partirai donc pour les Amériques. D'autres y ont gagné leur vie, je tâcherai d'y gagner la mienne. Et il partit avec des émigrants, avec pour tout bagage et pour tout bien, une chemise et un pantalon roulés dans un mouchoir. N'ayant jamais connu que la misère, il ne souffrit pas de la retrouver de l'autre côté de l'océan. Puis, le travail aidant, il eut la chance de trouver une place. Comme il était courageux, probe et dur à la besogne, le patron le prit en estime. Des mois, des années passèrent. Il vit ses gages doublés puis triplés. N'aimant pas le plaisir, ne fréquentant pas les bars où les hommes de sa condition vont perdre sur un coup de carte la paye de leur semaine, gardant au fond du cœur l'espoir tenace de revenir quelques jours au pays, d'y acheter un champ, une masure, il économisa. Ensuite, sans qu'il s'en rendît compte, il prit goût aux affaires, monta en grade. De commis, il devint employé. D'employé, chef de comptoir, homme de confiance. Son pécule ayant grossi, il le plaça dans la maison. Une ou deux spéculations heureuses le firent presque riche. On le jugea intelligent, de bons conseils. Le patron lui donna sa fille en mariage et mourut peu après, lui laissant son avoir. Du coup, il ne songea plus à rentrer, mais élargir son commerce. La boutique s'agrandit, devint un magasin, s'étala, mangeant les maisons autour d'elle. À son tour, il eut des employés, des commis, acheta des terrains, monta des usines et devint un homme important. La prospérité le laissait semblable à lui-même. Quelquefois il songeait, et cela amenait sur ses lèvres un sourire, si on me voyait là-bas. Mais le torrent des affaires l'emportait. Les millions suivaient les millions. 40 cheminées crachant leur fumée dans le ciel disaient sa prospérité triomphante. Ses bateaux ancrés dans le port balançaient sa fortune de l'un à l'autre continent, et toujours vaillant, clairvoyant, charitable et probe, il faisait respecter son nom et sa qualité de citoyen français. Quand il eut dépassé la 60aine, il se trouva presque roi d'un pays aussi vaste que 3 fois le Béarn. Alors quelqu'un pensa à l'honorer dignement. Dans la ville bâtie par lui, des listes circulèrent afin de lui offrir un banquet qui serait comme l'apothéose d'une vie si laborieuse et si belle. « À quoi bon, à quoi bon ?» protestait Utsibera. On lui fit comprendre que cette marque d'estime lui était due. Il n'osa pas refuser, et dans le plus grand hall de sa plus grande usine, on dressa les tables. Il y en avait tant et tant que, de sa place, il regardait les têtes pressées comme les épis d'un champ de blé. Au champagne, le consul de France, qui était à sa droite, se leva, et tout aussitôt, il se fit un vaste silence. Tandis que le consul parlait, Utsibera, qui n'avait pas l'habitude d'entendre vanter ses mérites, baissait le nez, rougissant et confus, les doigts tremblant sur le bord de son assiette. À la vérité, cet hommage n'était pas pour lui sans douceur. Il était devenu un homme considérable sans s'en douter, et s'étonnait, comme d'un récit fabuleux, de revivre ainsi, par la voix d'un autre, les étapes, d'abord si dures, puis si glorieuses de sa carrière. Chaque mot accrochait un souvenir. Émigrant, débardeur sur les quais, petit commis, employé de confiance, chef de comptoir, patron. Oui, il avait été tout cela. Il s'était élevé par son travail, par sa volonté. Aujourd'hui, le visage rasé, les cheveux drus, les mains blanches, vêtu comme un gentleman, dispensant autour de lui la fortune, le bien-être, il allait de pair avec les plus grands. Le discours s'acheva. Les applaudissements crépitèrent. Une jeune fille s'approcha de lui et demanda. « Pour que je conserve un souvenir de ce beau jour, monsieur, signez mon menu, je vous prie. » Il se défendit timidement, mais déjà de toutes parts les convives accouraient, trouvant l'idée excellente. Alors il se leva à son tour et dit « Mais bon, mes chers amis, votre désir me touche, m'émeut. Mais je ne puis le satisfaire pour la raison que je ne sais pas écrire. » Un éclat de rire accueillit ses paroles. Il prononça d'une voix qui tremblait « Je vous le jure. » Alors ce fut une stupeur, et le consul, qui croyait avoir exprimé toutes les louanges possibles, s'écria « Voici qui dépasse ce que nous pouvions croire, et le plus bel enseignement que nous offre cette admirable existence. Pauvre, sans appui, illettré, parce que tout petit, il fallut gagner son pain à l'âge où d'autres fréquentaient l'école. Voyez ce qu'a réalisé M. Otsibera. Et maintenant, demandez-vous ce qu'il serait, s'il avait su lire. » Le vieux bedeau, essuya ses yeux un peu troubles, plia sa serviette, se leva, et les mains sur la table, le visage timide et souriant, murmura « Ce que je serai, monsieur le consul, je vais vous le dire. Je serai bedeau à Béobi. » C'était Destiné par Maurice Level.